Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, Raton Babu et cet homme-là. C'est une nouvelle écrite par Satyajit Ray, qui est un réalisateur, écrivain, compositeur indien du Bengali. Il est né en 1921 et il est mort en 1992. Son premier film, Parthère Panchali, est particulièrement apprécié et connaît une longue diffusion. Eh bien, je commence. Raton Babu et cet homme-là. Raton Babu descendit du train avec un soupir de soulagement. L'endroit avait l'air plutôt accueillant. On voyait au-dessus de la petite gare les frondaisons d'un chiriche. Un cerf-volant pris dans une branche faisait une tache rouge sur le feuillage vert. Les gens semblaient détendus et l'air sentait bon la terre. Bref, Raton Babu trouvait le cadre des plus agréables. Avec son petit fourre-tout et sa valise de cuir, il n'avait pas besoin de porteur. Il empoigna ses bagages et prit le chemin de la sortie. Dehors, il n'eut aucune peine à trouver un vélo pousse. « Pour où, sœur ?» demanda l'adolescent en short à rayures. « Tu connais l'hôtel New Mahamaya ?» Le garçon opina. « Montez, sœur !» Voyager était presque une obsession chez Raton Babu. Il quittait Calcutta chaque fois qu'il en avait la possibilité. Non que cela arrivât souvent, car il avait un emploi régulier. Depuis 24 ans, il travaillait au service d'études géologiques de la ville de Calcutta. Il ne pouvait vraiment s'en aller qu'une fois l'an, au moment des congés de Puja. Il n'emmenait jamais personne avec lui et l'idée ne lui en était d'ailleurs jamais venue. Il y avait bien eu un temps où il avait ressenti le besoin d'avoir un compagnon. En fait, il en avait même parlé une fois à Kesha Babu, son voisin, au bureau. C'était quelques jours avant le début des congés, à l'époque des préparatifs. « Tu n'as que ta peau, un peu comme moi, avait-il dit, et si nous partions ensemble ce coup-ci ? » Kesha Babu avait posé son crayon sur son oreille, joint les paumes des mains. « Tu sais, je ne crois pas que toi et moi ayons les mêmes goûts. » avait-il déclaré avec un sourire contraint. « Tu vas dans des coins dont personne n'a jamais entendu parler, des endroits où il n'y a pas grand-chose à voir, où il n'y a ni hôtel ni restaurant digne de ce nom. Non, très peu pour moi. J'aime autant aller voir mon beau-frère à Harinabhi. » Avec le temps, Raton Babu en était venu à considérer que personne ne voyait les choses du même œil que lui. Ses goûts et ses dégoûts étaient bien différents de ceux du commun des mortels. Mieux valait abandonner tout espoir de trouver un compagnon de voyage à sa convenance. Il est vrai que c'était par certains côtés un personnage plutôt inhabituel. Il n'est que de considérer ses voyages. Kesha Babu avait vu juste. Raton Babu n'était jamais tenté par les endroits où les gens vont habituellement passer leurs vacances. « D'accord, avait-il coutume de dire, à Puri, il y a la mer et le temple de Jagannath. De Darjeeling, on aperçoit le Kanchenjunga. Et il y a des collines et des forêts à Hazaribagh et les chutes de Hundru à Ranchi. Et alors ? On en a si souvent entendu des descriptions qu'on a l'impression d'y être allé soi-même. » Ce que recherchait Raton Babu était une petite localité située à peu de distance d'une gare. Chaque année, quand arrivaient les congés, il ouvrait l'indicateur des chemins de fer, choisissait au hasard une telle destination et faisait ses bagages. Nul ne lui demandait où il se rendait et il ne le disait à personne. En fait, il lui était arrivé d'aller dans des endroits dont il n'avait même jamais entendu parler. Pour chaque fois y découvrir des choses qui l'avaient enchanté, des choses qui eussent semblé dérisoires à d'autres que lui, comme ce vieux figuier de Rajabhatkaua qui s'enroulait autour d'un cul et d'un cocotier, ou les ruines de la fabrique d'indigo de Mahesh Gunj, ou encore ce délicieux dal barfi que l'on trouvait dans une confiserie de Moana. Cette fois, Ratan Babu était arrivé dans une bourgade du nom de Chini, à 25 km de Tatanagar. Chini n'avait pas été choisi dans l'indicateur. C'était un collègue, Anakul Mitra, qui lui en avait parlé. Il lui avait également recommandé l'hôtel New Mahamaya. Cet établissement convenait à Ratan Babu. La chambre n'était pas immense, mais c'était sans importance. Il y avait une fenêtre au sud et une autre à l'est, d'où l'on avait une vue agréable sur la campagne. Pancha, le serviteur, semblait d'un naturel aimable. Ratan Babu avait coutume de prendre un bain tiède deux fois par jour et d'un bout à l'autre de l'année. Pancha l'assura que cela ne poserait pas de problème. La cuisine était passable et cela était également satisfaisant car il n'était pas difficile sur la nourriture. Il n'y avait qu'une seule chose à laquelle il tenait, il lui fallait du riz avec le curry de poisson ainsi que du chapati, du dal et des légumes. Il en avait informé Pancha dès son arrivée et celui-ci avait fait la commission à son patron. Une autre habitude de Ratan Babu, lorsqu'il arrivait dans un nouvel endroit, était d'aller faire une promenade au cours de l'après-midi. Il y sacrifia lors de cette première journée à Chini. Il termina la tasse de thé que lui avait servi Pancha et sortit. Il était environ 4 heures. Après quelques minutes de marche, il se retrouva en pleine campagne. Le terrain était inégal et parsemé de sentiers qui s'entrecroisaient. Ratan Babu en choisit un au hasard et découvrit au bout d'une demi-heure un lieu charmant. C'était un étang bordé de lys d'eau autour duquel vivait une grande variété d'oiseaux. Il y avait des grues, des bécasses, des martins pêcheurs, des pies, plus d'autres espèces qu'il ne put identifier. Il aurait passé avec plaisir tous ses après-midi au bord de cette pièce d'eau. Pourtant, le deuxième jour, il emprunta un autre sentier dans l'espoir de découvrir quelque chose de nouveau. Au bout d'un ou deux kilomètres, il dut s'arrêter, le temps de laisser passer un troupeau de chèvres. Lorsque le chemin fut libre, il marcha encore pendant 5 minutes et aperçut un pont de bois. Quand il fut plus près, il vit qu'une voie de chemin de fer passait dessous. Vers l'est, on apercevait la gare de Chini. Dans l'autre direction, les rails s'étiraient aussi loin que portait le regard. Et si un train survenait tout à coup pour défiler sous le pont dans un bruit de tonnerre, Ratan Babu frissonnait à cette idée. Peut-être parce qu'il fixait les rails, il ne remarqua pas l'homme qui était venu se poster à côté de lui. Tournant enfin la tête, il eut un sursaut de surprise. L'étranger était vêtu d'un dhoti et d'une chemise et avait sur l'épaule une veste cachou. Il portait des lunettes à double foyer et des souliers de toile brune. Ratan Babu éprouva un sentiment étrange. Où avait-il déjà vu cet homme? N'y avait-il pas chez lui quelque chose de familier? De taille moyenne, le teint moyennement foncé, une expression pensive dans le regard, quel âge pouvait-il avoir? Sûrement pas plus de 50 ans. L'étranger sourit et joignit les mains pour saluer. Ratan Babu allait lui retourner son salut quand il réalisa soudain d'où provenait ce sentiment bizarre. Pas étonnant que le visage de cet homme lui parut familier. Il l'avait vu maintes et maintes fois dans son propre miroir. C'était une ressemblance inquiétante. La même mâchoire carrée, percée d'une fossette, la même moustache soigneusement taillée, le lobe des oreilles avait une forme identique et les cheveux étaient coiffés de façon similaire. L'homme les avait peut-être un peu plus clairs et plus longs sur la nuque. Ses sourcils semblaient un peu plus fournis. Lorsqu'il parla, Ratan Babu eut un nouveau choc. Sushanto, un garçon du voisinage, l'avait un jour enregistré sur un magnétophone et lui avait ensuite fait écouter sa voix. Il n'y avait aucune différence entre cette voix-là et celle qu'il entendait à présent. « Je m'appelle Manihal Manjumdar. Je crois savoir que vous êtes descendu au New Mahamaya. » Ratantal, Manihal, leurs noms aussi se ressemblaient. Ratan Babu parvint à dissiper sa stupéfaction et se présenta. « Je ne pense pas que vous le sachiez, dit l'autre, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous voir. »« Où cela ? N'étiez-vous pas à Dulian l'année passée ?» Ratan Babu ouvrit des yeux ronds. « Ne me dites pas que vous y étiez aussi. » « Et si ? Chaque Puja, je pars en voyage. Je suis tout seul, pas vraiment d'amis. C'est agréable de se retrouver tout seul dans un nouvel endroit. C'est un de mes collègues qui m'a recommandé Chini. L'endroit est plaisant, vous ne trouvez pas ?» Ratan Babu avala sa salive, puis acquiesça de la tête. Il éprouvait un étrange mélange fait d'incrédulité et de malaise. « Avez-vous vu cet étang là-bas, de l'autre côté, où une foule d'oiseaux se rassemble le soir ?» demanda Manihal Babu. Ratan Babu répondit par l'affirmative. « J'ai reconnu certains d'entre eux, reprit Manihal Babu, mais il y en a d'autres que je n'avais jamais vus au Bengale. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Ratan Babu s'était un peu ressaisi. « Moi de même, il y a plusieurs espèces que je n'ai pas su identifier. » Un bruit sourd se fit entendre. C'était un train. Loin vers l'est, Ratan Babu aperçut un point lumineux qui grossissait. Les deux hommes s'approchèrent de la rambarde. Le train arriva comme un bolide et passa sous eux en faisant vibrer le pont. Ils gagnèrent l'autre rambarde pour le regarder s'éloigner et disparaître au loin. Ratan Babu ressentait le même émoi que lorsqu'il était enfant. « Comme c'est étrange !» déclara Manihal Babu. « Même à mon âge, regarder passer un train me cause toujours une certaine excitation. » Sur le chemin de retour, Ratan Babu apprit que Manihal Babu était à Chini depuis 3 jours. Il logeait à l'hôtel Kalika. Il habitait à Calcutta, où il travaillait dans une maison de commerce. On ne demande pas à quelqu'un combien il gagne. Mais une irrésistible impulsion poussa Ratan Babu à poser la question au mépris de toute discrétion. La réponse qu'il obtint lui coupa le souffle. Comment une telle chose était-elle possible ? Ratan Babu et Manihal Babu touchaient exactement le même salaire mensuel de 437 roupies et avaient perçu la même prime de Puja. Ratan Babu jugeait difficile à croire que cet homme eût d'une manière ou d'une autre préalablement tout appris sur son compte et chercha à lui jouer quelque insondable plaisanterie. Jusqu'à présent, personne ne s'était jamais soucié de lui et il s'était toujours tenu à l'écart des autres. En dehors du bureau, il ne parlait qu'à son serviteur et n'avait jamais de visite. S'il était possible à un tiers de se renseigner sur le montant de son salaire, des détails comme l'heure à laquelle il se couchait, ses goûts culinaires, les journaux qu'il lisait ou les pièces et les films qu'il avait vus dernièrement étaient en revanche connus de lui seul. Et pourtant, tout correspondait exactement à ce que racontait cet homme. Il ne pouvait s'ouvrir de tout ceci à Manihal Babu. Il se bornait à l'écouter et à s'étonner de cette extraordinaire similitude. Il ne révélait pour sa part rien de ses propres habitudes. Ils s'arrêtèrent devant l'hôtel New Mahamaya. « Comment mange-t-on ici ? » demanda Manihal Babu. « Ils font un bon curry de poisson, » répondit Ratan Babu. « Pour le reste, c'est tout juste convenable. » « La cuisine de mon hôtel est plutôt insipide, » dit Manihal Babu. « Il paraît qu'au restaurant Jagannatha, les Luchi et le Scholar sont excellents. Que diriez-vous d'aller y dîner ce soir ?»« Si vous voulez, on se retrouve vers 8 heures ?»« Parfait. Je vous attends et nous y allons ensemble. » Après le départ de Manilal Babu, Ratan Babu déambula quelque temps dans les rues. C'était la nuit, une nuit si claire que l'on voyait la Voie lactée s'étirer d'un bout à l'autre du ciel étoilé. Comme ce qui lui arrivait est étrange. Toutes ces années, Ratan Babu avait regretté de ne pouvoir trouver quelqu'un avec qui partager ses goûts et devenir ami. Et voici qu'à Chini, il rencontrait enfin un être dont on pouvait dire qu'il était sa réplique exacte. Peut-être y avait-il une légère différence physique, mais ils avaient, sous tous les autres rapports, une identité que l'on ne rencontrait que rarement, même entre jumeaux. Cela signifiait-il qu'il avait enfin trouvé un ami ? Ratan Babu n'avait pas de réponse toute prête à cette question. Peut-être la trouverait-il lorsqu'il connaîtrait mieux cet homme. Une chose était sûre, il n'avait plus le sentiment d'être isolé de ses semblables. Pendant toutes ces années, une autre personne exactement pareille à lui avait existé et tout à fait par hasard, leurs routes s'étaient croisées. Au restaurant, Jagannatha, Ratan Babu observa que, tout comme lui, son vis-à-vis mangeait en savourant délicatement chaque mets. Comme lui, il ne buvait pas d'eau à table. Et comme lui, il mettait du jus de citron dans son dalle. Ratan Babu terminait toujours son repas par du caillé et Manilal Babu faisait de même. Tout en mangeant, Ratan Babu avait la désagréable impression que les gens des autres tables les observaient. Était-ce parce qu'ils avaient remarqué leur ressemblance ? Cette identité sautait-elle aux yeux ? Après le dîner, ils allèrent marcher sous le clair de lune. Ratan Babu avait une question qui lui brûlait la langue. Il la posa enfin. « Avez-vous atteint la cinquantaine ?» Manilal Babu eut un sourire. « C'est pour bientôt. J'aurai 50 ans le 29 décembre. » Ratan Babu eut comme un vertige. Ils étaient nés le même jour, le 29 décembre 1916. Une demi-heure plus tard, comme ils allaient se séparer, Manilal Babu déclara « Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Je n'ai pas l'impression d'être très liant avec les gens, mais vous faites exception. » Je suis sûre maintenant de passer d'excellentes vacances. » Ratan Babu se couchait habituellement à 10 heures. Il ouvrait un magazine et se laissait peu à peu glisser dans l'inconscience. Il posait son magazine, éteignait la lampe de chevet et au bout de quelques minutes se mettait à ronfler doucement. Ce soir-là, le sommeil ne revint pas. Il n'avait pas non plus envie de lire. Il prit une revue et bientôt la reposa. Manilal, Majumdar. Il avait lu quelque part que parmi les milliards d'individus qui peuplaient la Terre, il n'en était pas deux qui se ressemblassent, trait pour trait. Pourtant, chacun avait le même nombre d'attributs. Yeux, oreilles, nez, lèvres, etc. Et même en supposant que deux personnes fussent de parfaites sosies, était-il possible qu'elles eussent les mêmes goûts, les mêmes sentiments, les mêmes attitudes, comme c'était présentement le cas ? Leur âge, leur profession, leur voix, leur démarche, et jusqu'à l'épaisseur de leur verre de lunettes, tout chez eux était identique. On penserait une telle chose impossible. Et pourtant, pendant 4 longues heures, il avait eu devant les yeux la preuve du contraire. Aux alentours de minuit, il se releva, se versa un peu d'eau et s'en aspergea le visage. Il ne pourrait dormir tant que durerait cet état de fébrilité. Il se passa une serviette sur la tête et se remit au lit. Au moins cet oreiller humide le rafraîchirait-il un moment. Un grand silence était descendu sur le quartier. Une chouette passa par-dessus la maison en poussant des cris perçants. Le clair de lune entrait par la fenêtre et ruisselait sur le lit. Les pensées de Ratan Babu s'apaisèrent, ses yeux se fermèrent. Il était presque 8 heures lorsque Ratan Babu se réveilla le lendemain matin. Manilal Babu devait passer à 9 heures. On était mardi, jour du marché hebdomadaire. Le Hat, qui se tenait à un bon kilomètre de là. La veille, les deux hommes avaient presque simultanément exprimé le désir de visiter le Hat, plus pour s'y promener que pour acheter quoi que ce soit. Il était presque 9 heures quand Ratan Babu acheva son petit déjeuner. Il prit une pincée de mouri dans une soucoupe et sortit de l'hôtel pour voir Manilal Babu qui approchait. « Je suis resté longtemps sans pouvoir trouver le sommeil hier soir », déclara ce dernier. « Je pensais à la façon dont nous nous ressemblons. Il était 8h05 quand j'ai ouvert les yeux ce matin. D'habitude, je me lève à 6h. » Ratan Babu garda ses commentaires pour lui. Ils partirent en direction du Hat. Cela les fit passer près d'une bande d'adolescents qui se tenaient sur le bord de la route. « Hé ! Voilà Pince-mi et Pince-moi » lança l'un d'eux. Ratan Babu feignit de n'avoir rien entendu et poursuivit son chemin. Il leur fallut une 20aine de minutes pour atteindre le Hat. Il s'agissait d'un marché fort animé. Il y avait des marchands de fruits et des légumes, d'outils, de vêtements et même de bestiaux. Les deux hommes se frayaient un passage dans la cohue, jetant des regards à droite et à gauche sur les étals. Qui était-ce là-bas? N'était-ce pas Pancha? Pour quelque raison, Ratan Babu fit en sorte d'éviter le serviteur de l'hôtel. Cette remarque sur Pince-mi et Pince-moi lui avait fait comprendre qu'il valait mieux ne pas se montrer en compagnie de Manilal Babu. Tandis qu'il progressait lentement au milieu de la foule, une pensée s'imposa tout à coup à lui. Il réalisa qu'il était bien mieux tel qu'il était, seul et sans amis. Il n'avait pas besoin d'amis, et surtout pas d'amis comme ce Manilal Babu. Chaque fois qu'il bavardait avec lui, il avait l'impression de parler tout seul. C'était comme s'il connaissait les réponses avant même d'avoir posé les questions. Il n'y avait pas place pour la discussion, aucune possibilité d'incompréhension. Était-ce là la marque de l'amitié? Deux de ses collègues, Kartik Ray et Mukunda Chakravarti, étaient amis intimes. Cela voulait-il pour autant dire qu'ils ne se disputaient jamais? Cela leur arrivait souvent, bien sûr, et cela ne les empêchait pas d'être amis, amis très proches. La pensée lui revenait toujours avec plus de force, qu'il eût mieux valu que Manilal Babu n'entrât jamais dans sa vie. Même s'il existait deux hommes identiques, leur rencontre ne pouvait être que néfaste. Ratan Babu tressaillit à l'idée qu'il pourrait continuer de se voir à Calcutta. Un marchand vendait des cannes de marche en bambou. Ratan Babu avait toujours désiré en avoir une. Mais, voyant que Manilal Babu était déjà en train de marchander, il se ravisa. Manilal Babu acheta 2 cannes et lui en donna une. « J'espère que vous voudrez bien accepter ceci en gage d'amitié. » Sur le chemin du retour, Manilal Babu parla beaucoup de lui-même, de son enfance, de ses parents, de son école et de ses études. Ratan Babu avait l'impression que se déroulait le film de sa propre vie. Le projet lui vint au cours de l'après-midi, alors que l'on se dirigeait vers le pont de chemin de fer. Il n'avait pas à parler beaucoup, aussi avait-il tout loisir de réfléchir. Depuis midi, il songeait à se débarrasser de cet homme, mais n'arrivait pas à se décider sur la méthode. Il venait de tourner la tête vers les nuages qui s'amassaient à l'ouest quand la marche à suivre lui apparut avec une éblouissante clarté. Il se tenait, lui et Manilal Babu, tout contre le garde-fou du pont. Le train de marchandises approchait. Lorsque la locomotive n'était plus qu'à 20aine de mètres, il rassemblait ses forces et d'une forte poussée. Sans s'en rendre compte, il avait fermé les yeux, il les rouvrit et regarda furtivement son compagnon. Manilal Babu avait l'air tout à fait insouciant. Cependant, Puisqu'ils avaient tant de choses en commun, peut-être réfléchissait-il lui aussi au moyen de se défaire de son ami. Mais sa physionomie ne trahissait rien de tel. En fait, il fredonnait un air tiré de la musique d'un film hindi que Ratan Babu avait lui aussi coutume de fredonner de temps à autre. Les nuages noirs venaient de masquer le soleil. Celui-ci, de toute façon, n'allait pas tarder à se coucher. Ratan Babu jeta un coup d'œil circulaire et vit qu'il n'y avait, grâce à Dieu, personne alentour. Dans le cas contraire, son plan n'aurait pu fonctionner. Étrangement, bien qu'il fût tout entier tourné vers le meurtre, Ratan Babu n'arrivait pas à se considérer comme un meurtrier. Manil Lal Babu eût-il possédé des traits psychologiques distincts de lui, jamais il n'aurait envisagé de l'éliminer. Il estimait que le fait qu'ils vécussent tous deux de la même époque n'avait pas de sens, qu'il continuât seul d'exister était amplement suffisant. Ils arrivèrent au pont. « Il a fait lourd aujourd'hui, » observa Manil Lal Babu. « Il va peut-être pleuvoir ce soir, et cela pourrait être le début d'un refroidissement du temps. » Ratan Babu consulta sa montre. 6h-12. Ce train avait la réputation d'être à l'heure. Il ne restait guère de temps. Il se força à bâiller afin d'atténuer la tension qui l'étreignait. « S'il doit pleuvoir, dit-il, ce ne sera pas avant 4 ou 5 heures. Voulez-vous une noix de Bethel ?» Manil Lal Babu avait sorti de sa poche une petite boîte ronde en fer blanc. Ratan Babu avait également sur lui une semblable boîte. Mais il n'en dit rien. Il préleva une noix et se la jeta dans la bouche. C'est alors qu'ils entendirent le train. Manil Lal Babu fit quelques pas en direction de la rambarde, regarda sa montre et dit « 7 minutes d'avance !» À cause de l'énorme nuage, il faisait plus sombre que d'ordinaire. Par contraste, le fanal de la locomotive paraissait plus brillant. Le train était encore loin, mais l'intensité de cette lumière croissait de seconde en seconde. Cric, cric, cric, cric. Cric ! Un cycliste arrivait sur le chemin. Oh, Seigneur Dieu, allait-il s'arrêter ? Ouh, non, les craintes de Ratan Babu étaient sans fondement. Le cycliste passa à belle allure à côté d'eux pour aller se fondre dans la nuit naissante. Le train approchait à toute vitesse. Du fait de l'éclat aveuglant de son phare, il était impossible d'estimer sa distance. Dans quelques secondes, le pont se mettrait à vibrer. Le vacarme était assourdissant. Les mains appuyées sur la rambarde, Manil Lal Babu regardait la voie. Un éclair illumina le ciel. Rassemblant toutes ses forces, Ratan Babu posa la paume des mains sur le dos de Manil Lal Babu et poussa. L'autre bascula par-dessus le garde-fou et tomba vers la locomotive. À cet instant, le pont se mit à trembler. Ratan Babu ne s'attarda pas pour regarder le train disparaître au loin. Tout comme le pont, il était saisi de tremblements. Zébrée d'éclairs sporadiques, la masse nuageuse avait maintenant envahi une grande partie du ciel. Ratan Babu rajusta son vêtement et prit le chemin du retour. Il dut parcourir les dernières centaines de mètres au pas de course dans le vain espoir d'éviter les premières gouttes de pluie. Il franchit hors d'haleine la porte de l'hôtel. À peine entré, il eut le sentiment d'une anomalie. Où venait-il d'arriver ? Les tables, les chaises, les tableaux sur les murs. Cela ne ressemblait pas à l'entrée du New Mahamaya. Son œil fut subitement accroché par une enseigne murale. Quelle stupide erreur! Il venait d'entrer à l'hôtel Kalika. N'était-ce pas ici que logeait Manil Lal Babu? On dirait que vous n'avez pas pu éviter la pluie, observa quelqu'un derrière lui. Ratan Babu se retourna et vit un homme aux cheveux bouclés avec un châle vert sur les épaules. Probablement un client de l'hôtel qui le regardait, une tasse de thé à la main. Excusez! Fit l'homme en voyant le visage de Ratan Babu. « Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez Manilal Babu. Cette erreur fit naître les premiers doutes dans l'esprit de Ratan Babu. Son crime avait-il été commis avec suffisamment de prudence? De nombreuses personnes avaient dû les voir partir ensemble. Les avait-on cependant vraiment remarqués? Ces gens-là se souviendraient-ils de ce qu'ils avaient vu? Si tel était le cas, est-ce que les soupçons se porteraient sur lui? Il avait la certitude que personne ne les avait vus après qu'ils eussent dépassé les dernières maisons. Et une fois arrivé au pont, ah si, il y a le cycliste, il avait dû les voir tous les deux. Mais il faisait déjà assez sombre, il était passé très vite. Était-il possible qu'ils se souviennent de leur visage? Bon, certainement pas. Plus Ratan Babu y pensait, plus il se sentait rassuré. Il n'était pas douteux que l'on retrouverait le corps, mais que l'on remonte jusqu'à lui, qu'il soit jugé, confondu et condamné à la potence, cela il ne pouvait tout simplement le croire. Comme il pleuvait toujours, il resta le temps de prendre une tasse de thé. Puis lorsque vers 7h30 la pluie cessa, il gagna directement le New Mahamaya. Il trouvait presque cocasse la façon dont il s'était trompé d'hôtel. Il dîna de bel appétit, puis il se glissa au lit avec un magazine, lut un article sur les aborigènes d'Australie, éteignit la lampe et s'endormit l'âme légère. Il était de nouveau seul, seul et unique. Il n'avait pas d'amis et n'en avait nul besoin. Il continuerait de vivre sa vie comme il l'avait toujours fait. Que pouvait-il souhaiter de mieux? Il s'était remis à pleuvoir. Il y avait des éclairs et des roulements de tonnerre. Mais rien de tout cela n'importait. Ratan Babu ronflait déjà. « Avez-vous acheté cette canne au hâte, sœur ?» demanda Pancha lorsqu'il apporta le thé. « Oui, » fit Ratan Babu. « Combien l'avez-vous payé ?» Ratan Babu répondit, puis l'air de rien demanda. « Es-tu allé faire un tour au hâte, toi aussi ?» Pancha eut un large sourire. « Oui, et je vous y ai vu. Vous ne l'avez pas vu ?»« Mais ma foi, non. » Ce qui conclut l'épisode de Pancha. Après le petit déjeuner, Ratan Babu se rendit à l'hôtel Kalika. L'homme aux cheveux bouclés s'entretenait devant l'établissement avec un petit groupe de gens. Ratan Babu entendit plusieurs fois le nom de Manilal Babu et le mot « suicide ». Il s'approcha pour mieux entendre. Il eut même l'audace de poser une question. « Qui donc s'est suicidé ?» La réponse vint de l'homme aux cheveux bouclés. « Justement, celui pour lequel je vous ai pris hier soir. » « Et c'est un suicide ?»« C'en a tout l'air. On a retrouvé son corps près de la voie ferrée, en dessous du pont. Il a dû se jeter de là-haut, un type bizarre, plutôt pas causant. On parlait souvent de lui. Et le corps ? Entre les mains de la police. » Il arrivait de Calcutta pour se changer d'air. Il ne connaissait personne ici. On n'en sait pas plus. Ratan Babu secoua la tête avec de petits claquements de langue attristés et s'en fut. Un suicide. Donc personne n'avait songé à un meurtre. La chance était de son côté. Quoi de plus simple qu'un assassinat? À se demander pourquoi les gens ne s'y adonnaient pas plus souvent. Ratan Babu se sentait d'humeur allègre. Après ces deux longues journées, il allait enfin pouvoir flâner à nouveau seul. Cette seule pensée l'inondait de plaisir. C'était probablement lorsqu'il avait poussé Manilal Babu par-dessus le garde-fou qu'un bouton de sa chemise s'était détaché. Il trouva un tailleur qui le lui remplaça. Puis il alla acheter un tube de dentifrice Neem. À peine sorti du magasin, il entendit le son du kirtan. Cela venait d'une maison. Il écouta un moment la chanson, puis partit vers la sortie de la petite ville. Il suivit un nouveau sentier sur 1 ou 2 kilomètres, regagna l'hôtel aux alentours d'11 heures, prit son bain, déjeuna et fit sa sieste. Il se réveilla comme d'habitude vers 3 heures et réalisa presque aussitôt qu'il lui fallait retourner au pont le soir même. Pour d'évidentes raisons, il n'avait pu la veille goûter pleinement le spectacle du train. Le ciel était toujours nuageux, mais la pluie ne semblait pas menacée. Aujourd'hui, il serait en mesure de regarder le train depuis le moment où il apparaissait jusqu'à celui où il disparaissait à l'horizon. Il prit le thé à 5 heures et descendit à la réception. Shambhu Babu, le directeur, était à son bureau devant l'entrée. « Connaissiez-vous l'homme qui est mort hier ? » demanda-t-il. Ratan Babu le regarda en feignant la surprise. « Pourquoi me demandez-vous cela ? » ?»« Eh bien, c'est juste que Pancha m'a dit qu'il vous avait vu ensemble au Hat. » Ratan Babu eut un sourire. « Je ne me suis guère fait de connaissance depuis que je suis ici, » dit-il avec calme. « J'ai en effet parlé à 2 ou 3 personnes au Hat, mais le fait est que je ne sais même pas qui a été tué. »« Je vois, » fit Shambhu Babu en riant. Il était d'une nature joviale et toujours prêt à rire. Lui aussi, il était venu se changer d'air. Il était descendu au Kalika. « Ah bon ?» Ratan Babu sortit. Il y avait 3 kilomètres jusqu'au pont. S'il ne se hâtait pas, il était possible qu'il manquât le train. Dans la rue, nul ne lui lança de regard suspicieux. Les adolescents de la veille n'étaient pas à leur place habituelle. Cette réflexion à propos de Pincy et Pincemoi avait eu le don de l'agacer. Il se demanda où avaient bien pu passer ces vauriens. Des bruits de tambour retentissaient quelque part, non loin de là. On fêtait un puja dans les environs. C'était là qu'il devait se trouver. Parfait. Aujourd'hui, il était seul au milieu de la campagne. Avant sa rencontre avec Manilal Babu, il était heureux de son sort. Aujourd'hui, il était plus détendu et serein que jamais. Il arriva au pied du Babla, l'arbre qui lui servait de repère. Le pont n'en était qu'à 15 minutes de marche. Le ciel était toujours couvert, mais sans les nuées noires de la veille. C'était des nuages gris qu'aucune brise ne poussait. L'ensemble du ciel était couleur de cendre et immobile. Le cœur de Ratan Babu sauta de joie à la vue du pont. Il allongea le pas. Qui sait ? Peut-être le train allait-il surgir encore plus tôt que la veille. Une compagnie de grues passa au-dessus de lui. Des grues migratrices ? Il n'aurait pas su le dire. Arrivé sur le pont, il prit conscience de la tranquillité de cette soirée. En tendant l'oreille, il pouvait entendre, venant du bourg, le bruit des tambours. Hormis cela, tout n'était que silence. Il alla près de la rambarde. Il pouvait voir le signal et au-delà la gare. Tiens, qu'est-ce que c'était que cela ? Au pied du garde-fou, dans une fissure du bois, était logé un objet luisant. Il se baissa pour le dégager. Une petite boîte ronde en fer blanc qui contenait des noix de bétel. Il eut un sourire et la jeta par-dessus la rambarde. Elle atterrit avec un bruit métallique. Qui pourrait dire combien de temps elle resterait là ? Quelle était cette lumière ? Ben, le train ! Nul bruit encore, rien que ce point lumineux qui se déplaçait. Debout, immobile, Ratan Babu regardait le phare avec fascination. Un courant d'air soudain fit tomber le châle de son épaule, il le rajusta. Et il entendait le bruit maintenant, on aurait dit le grondement sourd d'une tempête qui approche. Il eut tout à coup l'impression que quelqu'un était venu se poser dans son dos. Bien qu'il eût quelque peine à s'arracher à la contemplation du train, il jeta un rapide coup d'œil derrière lui. Pas une âme alentour. Comme il ne faisait pas aussi sombre que la veille, la visibilité était bien meilleure. Non, en dehors de lui et de ce train qui approchait, il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. Le convoi ne se trouvait plus qu'à 100 mètres. Raton Babu s'accota au garde-fou. S'ils étaient agis d'un train d'autrefois, avec une locomotive à vapeur, il n'aurait pu se tenir aussi près du bord, car il aurait eu la fumée plein les yeux. Mais il s'agissait d'une motrice diesel. Il n'y avait qu'un grondement profond de ster qui tremble et l'éclat aveuglant du phare. Voici que le train allait s'engouffrer sous le pont. Raton Babu posa les coudes sur la rambarde et se pencha en avant pour mieux voir. À cet instant, une paire de mains lui appliqua une violente poussée dans le dos et il bascula par-dessus le garde-fou. Comme toujours, le pont frémissait, le train défilait sous lui, filant vers l'ouest où le ciel commençait à se violacer. Raton Babu n'est plus sur le pont. Mais, comme en témoignage de son passage, un petit objet luisant est coincé dans l'interstice entre deux planches. C'est une boîte d'aluminium qui contient des noix de bétel. Eh bien voilà, voilà, la nouvelle est terminée. Un suicide, un dédoublement de personnalité? Je ne sais pas, je pense plutôt la deuxième solution. Allez, je vais vous laisser avec une musique encore du Bengale. Feluda, thème musique instrumentale. Satyajit Ray. Vous m'excuserez hein, s'il y a des Bengalais avec nous. Passez une bonne journée.